On s'est jeté un sort, on s'est retrouvé dehors. Mes sentiments ont perdu leur force, l'affection mortelle, l'abandon s'amorce. Je l'ignore, je regagne le port. Je l'ignore, j'ai rejoint le port. Je l'ignore, mais quel drôle d'accord, car notre amour est mort, mais j'aime sa volupté. Dans ce corps, parfois je m'endors, le chant des sirènes m'implore, mais je préfère renoncer. Je l'ignore, et puis quoi encore? Je n'ai pas tout à fait tort, cet amour naufragé. Nos chemins se sont recroisés, nos corps se sont retouchés. Pour passer des nuits à tes côtés, fallait-il toujours encore t'aimer? J'avoue, c'était sans effet. Doucement, mon cœur s'est éloigné. Tu l'as senti, tu m'as rejeté. J'avoue, je n'aurais pu t'aimer. Une deuxième fois, je l'ignore. Se sont recroisés. Je regarde le port. Se sont retouchés. Une deuxième fois, je l'ignore. J'ai rejoindé le port. Fallait-il toujours encore t'aimer? Une deuxième je fois, je l'ignore. Quel drôle d'accord, car notre amour est mort. Doucement, mon cœur s'est éloigné. Une deuxième dans fois, ce corps, parfois je m'endors. Le chant des sirènes m'implore. Je n'aurais pas aimé. Une deuxième je fois, je l'ignore. Et puis quoi encore? N'est pas tout à fait tort, cet amour naufragé. Dans mon repli sentier, minimaliste, l'hiver m'a rendu triste. Je me sens à l'aise, à l'aise, je me sens à l'aise, mais je dans mon repli sentier, minimaliste, dans mon repli.